Cette semaine, le Studio École de France bouleverse ses programmes. De 14h à 18h10, assistez à un déluge d'invités sur StudecWeb. Animateurs, réalisateurs et journalistes vont vous faire découvrir des hommes et des femmes du monde des médias. La semaine des invités, c'est du 27 au 31 mars sur StudecWeb. Bonjour à tous et bienvenue si vous arrivez sur StudecWeb. C'est Nathalie et je suis entourée de toute l'équipe, Clémentine, Lauriane et Tom. Bonjour. Bonjour. StudecWeb a bousculé ses programmes et pour la semaine des invités, on vous accompagne si vous êtes au boulot, sur la route ou chez vous. Et vous allez pouvoir partager ce moment avec nous. J'ai le plaisir d'accueillir notre invité Mathieu Houllion. Il est scénariste et on a gardé Manu Payette avec nous. Bonjour Mathieu, bonjour Manu. Salut, salut Nathalie. Salut Nathalie, salut toute l'équipe. Salut. Salut. Salut. Ravi de vous recevoir. Ça fait quoi Manu de voir... Ça vous fait quoi tous les deux d'être réunis Je ne connais pas cette personne. Je ne connais pas cette personne. Moi, ouais. Je découvre aussi le garçon. Ouais, il a l'air charmant. Et j'adore son jean. Je voulais lui demander est-ce qu'on prononce paillet ou paillette. Bonne question. Très bonne question. Merci beaucoup, Mathieu. Alors, moi, vous m'avez demandé, Nathalie, de rester un tout petit peu dans l'émission de Mathieu. Donc, pour faire une transition avec celle que je viens de faire avec les garçons juste avant. Mais sachez que je vais ensuite devoir laisser Mathieu. Pour me rendre, et ça c'est un jeu que vous avez organisé avec toute l'équipe de StudecWeb, chez lui, un tiroir à caleçon, et vous allez voir qu'il va se passer un truc très rigolo. Yes. Ça, dans une demi-heure. Bah, tu t'occuperas du goûter des enfants, c'est parfait. En fait, il serait content que j'y aille en vrai. Ouais, si tu peux gérer ça, ça m'arrange. C'est parfait. Clémentine, tu nous as préparé une séquence un petit peu particulière. Ouais, c'est ça, je vous ai préparé une séquence émotion sur un film que vous avez scénarisé, et je suis certaine que ça va vous rendre nostalgique. Avec plaisir. On jouera ensemble, Mathieu. Vous devrez choisir un objet selon le scénario proposé. Waouh! Eh oui, suspense. Dans un instant, c'est notre journaliste Tom Villeneuve qui sera au rendez-vous pour une interview pas trop décalée. Exactement, j'ai voulu mener ma petite enquête pour essayer de connaître un peu plus notre invité du jour. Mathieu Houllion va bien sûr parler dans un instant de son histoire à la radio en passant par le monde du cinéma, ce qui l'a tout simplement amené à changer de vocation. Mais bon, j'en dis pas trop, suspense dans quelques minutes. Voilà, je donnerai plus d'infos. Et puis dans le canap, vous pourrez nous raconter quelques anecdotes de tournage tout au long de l'émission. Apparemment, t'as pas le choix. Aïe, aïe, aïe. Et il y en a une. Demandez-lui celle avec l'iguane. Oh, je suis... Ah d'accord, on note l'iguane. Vous allez péter un cas. Il va falloir libérer Manu très très vite. StudecWeb, vous êtes dans silence, ça tourne. Action! Mathieu, Lauriane n'est pas dessinatrice, mais elle a réalisé un portrait de vous. Tout à fait. Alors, en écrivant votre portrait, j'ai remarqué que vous avez connu des changements au cours de votre carrière. Et il y a des changements où c'est un petit peu lié. Aujourd'hui, vous faites partie de la grande famille du cinéma, vous êtes scénariste. Mais avant ça, vous avez été animateur radio. Et cette carrière-là, elle a commencé ici, dans cette école. Alors, je propose qu'on remonte quelques années en arrière. Vous obtenez votre bac scientifique. Et en septembre 1996, vous entrez au studio École de France. À cette époque-là, quel est l'objectif du jeune Mathieu Houllion ? Faire de la radio. Vraiment faire de la radio, en faire mon métier. Et je peux saluer la classe de Silvio qui a permis de réaliser ce rêve, qui fait partie des gens qui ont permis de réaliser ce rêve, Silvio Marchion, qui est directeur de l'établissement. Et ouais, c'était mon but, oui. C'était mon but. Donc à l'époque, des idées en tête, dont celle-là de devenir animateur radio. Et aujourd'hui, 24 ans après, vous êtes de retour dans les studios. Alors même si la localisation elle a changé, j'imagine que vous avez des souvenirs qui sont en tête. Ouais. On a... Lesquels ? Lesquels ? Alors là, il fallait préparer un peu, parce que vous savez que je suis pas tout jeune. Ça remonte, c'était il y a 25 ans. On a passé des bons moments ici. J'ai des souvenirs avec Fred Testo, beaucoup, parce que c'est vrai que Fred Testo faisait partie de ma promo. Et on sait exactement, avec Michael aussi. Et ouais, on a fait quelques émissions de débutants, donc assez mémorables. C'est là que tu te dis, c'est dommage, à l'époque, on pouvait pas garder toutes les piges comme on peut le faire maintenant. Ça pourrait être c'est vrai que nous, on peut les garder, donc c'est pratique pour ce genre d'émission plus tard, par exemple. C'est plus pratique, évidemment. Et ces souvenirs, vous les avez vécus du coup au cours de votre formation. Celle-ci dure 2 ans. Vous obtenez votre diplôme en 1998. D'abord, vous faites quelques mois dans les studios RFI. Puis vous rentrez chez Énergie, où vous y restez 10 ans. En 10 ans, vous êtes animateur, mais aussi auteur pour Manu Payet. Paillettes, paillets. Oui. C'est donc dans les locaux d'énergie que vous vous rencontrez. Et quand on rencontre une personne, souvent on a un premier feeling. Et justement, quand vous vous rencontrez, quelle est la première impression que vous avez eue? La rencontre avec Manu? Tout à fait. Ouais, je crois qu'on est devenus potes en 4 secondes. Mmh. On s'est rencontrés devant la radio. Manu, je crois que tu sortais de ta nuit, d'une des nuits que tu faisais en essai. Et moi, j'arrivais pour faire mon essai à moi, parce que c'était pendant l'été. L'été 2000. Incroyable. Et je crois qu'on s'est croisés là. Je l'avais écouté la nuit et lui, il rentrait se coucher et il allait peut-être m'écouter l'après-midi. On savait pas qui allait rester sur la grille de rentrée. Mmh. Mais on a sympathisé dans la rue devant l'immeuble d'énergie en se disant bonne chance mec et bonne chance mec quoi. Ouais, exactement. Vous avez le même avis Manu? Ah ouais, c'est même pas un avis, c'est le même souvenir puisqu'on l'a vécu vraiment et ça a été un moment pour nous on était les deux gars qui arrivions de notre province et puis qui arrivions chacun de notre radio locale et qui attendions parce que c'était la semaine quasiment juste la semaine avant la rentrée, la grille de rentrée. Et là on était au milieu de la semaine de la grille de rentrée. Ouais. On devait être franchement je peux dire mercredi ou jeudi ou un truc comme ça. Hein. Et la grille de rentrée démarrait le lundi qui allait suivre. Et c'est-à-dire que c'était peut-être notre premier bonjour et le dernier aussi parce que ça se trouve on allait se faire test juste après et on le savait pas. C'est pour ça qu'on s'en souvient aussi bien de ce jour-là. Ouais, c'est assez fou. Ouais. Donc après cette première rencontre, les premières impressions passées, il se passe dans des centaines d'émissions de matinales, quelques années depuis vous n'êtes plus quitté et amis à la radio dans la vie mais aussi dans le ciné. Après 10 ans dans la radio, vous changez de carrière pour devenir scénariste et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure où il y a beaucoup de liens entre vos changements parce que si votre premier job est dans la radio, le cinéma n'a jamais été bien loin et ça c'est un peu grâce à vos parents puisque votre père est l'ancien président d'AB Cinéma à Balbigny. Wow. Et votre mère Hélène en est la vice-présidente. Oui. Et vous aussi, d'ailleurs, vous avez été bénévole là-bas. Ouais. Vous avez vu votre père projeter des films, votre mère faire les programmations. Vous êtes donc né dans l'amour du 7e art. Oui. Et même dans votre transition entre la radio et le cinéma, on y retrouve un lien. Et c'est dans votre deuxième film, Radio Star, sorti en 2012, où d'ailleurs vous y jouez, Manu. Vous l'avez écrit avec votre troisième copain de la bande, Romain Lévy. Radio Star, c'est un film que vous avez écrit, imaginé, mais c'est aussi une grande partie d'autobiographie. Clémentine y reviendra d'ailleurs plus tard dans l'émission. Et depuis, vous avez sorti plusieurs films à votre actif, notamment Les Gorilles en 2014, Mystère en 2021 ou encore Classico, sorti l'année dernière. Et en faisant mes recherches, je suis tombée sur une anecdote de Jean-Marc Daubel, scénariste notamment de la série Joséphine Ange Gardien. Pendant des années, lui, il travaillait comme pigiste pour la presse régionale dans les Yvelines. Et c'est un jour de pluie que sa vie a basculé grâce à un chien Balthazar qui est venu gratter à sa porte avec un scénario trempé et déchiré. Jean-Marc Daubel découvrait pour la première fois un scénario et il a eu une révélation, le déclic de sa vie. Votre déclic, c'est lequel, vous? Le déclic pour la transition la transition avec le cinéma. Je crois qu'il faut rendre à Romain, notre pote Romain Lévy, qui a réalisé Radio Star, il faut lui rendre cette étincelle-là qu'il a créée chez moi, ça c'est certain. Il a eu l'idée de faire ce film autour de la radio et de ce qu'on vivait à la radio. Et il a eu confiance en moi aussi en tant que scénariste pour l'accompagner dans l'idée qu'il avait de faire ce film. Moi, j'aurais franchement le cinéma. Bien sûr, j'étais un passionné. À l'inverse de la radio, j'aurais jamais pensé à l'époque en faire mon métier. C'était vraiment quelque chose que je regardais. Autant la radio, je l'écoutais, mais je voulais y participer. Autant le cinéma, je pensais ça vraiment inaccessible. Et c'est un peu Romain qui a mis ça un petit peu, qui a rendu possible tout ça, et qui à un moment donné a dit pourquoi on le fait pas? On a l'idée, on a l'envie. Manu est un des meilleurs comédiens qui existe. Voilà, autant le faire. Et on y est allé. Et donc on peut dire que Romain a été l'étincelle de ce changement de carrière. Manu a été l'un des meilleurs comédiens. Je pars sur cette phrase. Les gars, je peux pas rester, je peux pas entendre mieux et plus flatteur pour moi. Mathieu, bonne émission, c'est la tienne. Les amis, merci beaucoup. Lauriane, c'est bon? C'est bon, merci beaucoup. C'est d'accord. Merci Manu de rester un petit peu. Avec plaisir. Merci beaucoup. Et bravo pour avoir retrouvé le pédigré des parents de Mathieu au niveau du cinéma. C'est une recherche journalistique. Merci. J'ai bien appris. Il travaille encore et c'est maintenir un cinéma de village en vie, c'est difficile et c'est tout en leur honneur. Ils continuent de le faire, c'est super. Merci Manu. Bisous. Merci d'être resté. Merci d'avoir eu la gentillesse de rester. Je continue quand même avec vous, Mathieu. Même si votre copain est parti, je continue avec vous. Bien sûr. Aujourd'hui, on vous connaît surtout pour vos scénarios de cinéma, mais vous avez aussi écrit des sketchs pour la télé, comme ceux de la cérémonie des Césars présentés par votre copain en 2018. Le processus d'écriture et le temps consacré n'est pas le même pour un film que pour une chronique, j'imagine. Comment on passe d'une idée de scénario à une projection au cinéma? Waouh. Quel temps ça prend? Est-ce que c'est des anecdotes? Est-ce que c'est des commandes qu'on vous fait? Est-ce que... Franchement, chaque projet est un peu unique dans son genre. Il y a parfois des commandes de producteurs, effectivement, qui ont une idée bien déterminée de ce qu'ils veulent. Et ils font appel à des scénaristes et dont je fais partie. Et puis on essaye de faire naître cette idée et d'en faire un film. Et puis parfois, il y a des idées qu'on a nous. Et dans ce cas-là, on se rapproche de gens dont c'est le métier de nous produire et d'accompagner notre idée. Quoi qu'il arrive, c'est long. Toujours un processus de création au cinéma, c'est 2-3 ans de travail. Et chaque projet est unique. Mathieu Houlion, vous êtes notre invité pendant une heure. Clémentine se prépare pour le canap. Ah, je suis prête. Il y a des chansons comme ça qui parlent d'écriture, comme Renan Luce, La Lettre, sur Studec Web. Excellent après-midi. J'ai reçu une lettre, il y a un mois peut-être, arrivée par erreur. Maladresse de facteur, aspergé de parfum, rouge à lèvres, carmin. J'aurais dû cette lettre ne pas l'ouvrir peut-être, mais moi je suis un homme qui aime bien ce genre de jeu. Je veux bien qu'elle me nomme Alphonse ou Fred, c'est comme elle veut. C'est comme elle veut. Des jolies marguerites sur le haut de ses i. Des courbes manuscrites, comme dans les API. Quelques fautes d'orthographe, une légère dyslexie. Et en guise de paraphe, ta petite plante sexy. Et moi je suis un homme, qui aime bien ce genre de jeu. N'aime pas les nonnes, et j'en suis tombé amoureux. Sur la falaise où je l'ai prise par les hanches, et que dans l'hypothèse où je n'aurais pas le tact d'assumer mes sébats, elle choisira l'impact 30 mètres plus bas. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu. Je veux bien qu'il me nomme papa s'il le veut. S'il le veut. Et moi je suis un homme aime bien ce genre d'enjeu. Veux bien qu'il me nomme papa s'il le veut. S'il le veut. Let's go. La semaine des invités, c'est sur Studec Web. Studec Web, nous sommes en compagnie de Mathieu Houlion. C'est le moment de retrouver notre fil rouge de l'émission. Prenez place et installez-vous confortablement dans le canapé. Aïe. Ok, donc là je vais vous parler sentimentalement parlant. Wow. Ça vous fait quoi de vous voir évoluer, passer d'une chenille de la radio à une chenille du cinéma et à un grand papillon scénariste? Waouh. Eh ben c'est pour moi c'est la vie, c'est-à-dire que c'est bien. La vie fonctionne par cycle et j'adore me dire que peut-être que les cycles changent, les cycles s'enchaînent. Et non, ça représente bien la vie professionnelle, la vie sentimentale aussi parfois, mais voilà, c'est cool. Je suis assez content. Et ben nous aussi, on est assez contents de voir en tout cas à quel point vous avez réalisé des chefs-d'œuvre. Ah oui, carrément. Réalisé, scénarisé des chefs-d'œuvre qui sont franchement des classiques. Bon, en tout cas. Ah oui, et des bonnes comédies aussi. Restez avec nous pour la suite de l'émission. Ce sera autour de Lauriane de mettre son nez dans les anecdotes de tournage. Tom, on vous retrouve pour l'interview de notre invité Mathieu Houlion qui est là. En 2007, vous avez écrit le scénario de Gangsterdam, l'une des musiques qui était de The Weeknd. Mmh. Eh bien, ça, c'est pas une fausse alerte. Vous êtes bel et bien avec nous. False Alarm de The Weeknd sur Studec Web. Everybody, can't you tell? by the signs. She loves everybody. She gets off all the time. It's a dark philosophy. And her heart's a constantly. It's a problem. She's a problem. D'Aquem, nous avons l'honneur de recevoir notre invité Mathieu Houlion. On passe une très belle après-midi ensemble. Et pour vous aussi, bah, si vous nous écoutez, bah, c'est le moment à partager avec vos collègues, pourquoi pas. Notre journaliste Tom Villeneuve a voulu jouer les inspecteurs. Hein, jouer les inspecteurs, quelques... pourquoi vous dites ça Nathalie? Vous croyez vraiment que j'ai une tête à jouer l'inspecteur Gadget là? Franchement, franchement je suis déçu, je ne croyais pas ça de vous. Bon alors Mathieu Houlion, vous êtes un homme plutôt discret, non pas dans la lumière mais plutôt dans les coulisses du cinéma. Lauriane vous a présenté il y a quelques instants sous forme de portrait, ancien élève du studio École de France entre 1996 à 1998 dans la promo de Michael Youn, Fred Testo ou encore David Kolski. Mais juste avant de commencer cette interview, Nathalie, permettez-moi de vous dire Mathieu Houlion, que beaucoup de gens gardent un très bon souvenir de vous, ici dans ces locaux du studio École de France. C'est le cas de Sylviane Marchand, le directeur de cette école, ou encore de Renaud Amado, qui a été, si j'en crois mes sources, votre prof, votre coach. Exactement. En réalisation. C'était il y a 25 ans. Exactement, environ. À peu près, ouais, à peu près. Renaud qui a été déterminant dans plein de choix, dans de nombreux choix professionnels, et notamment les plus déterminants, effectivement. Et faut, je lui dois beaucoup de choses à Renaud. Et justement, qu'avez-vous laissé comme trace, comme empreinte, pour qu'on puisse encore parler de vous, Mathieu Houlion? C'est plutôt flatteur, non? Oui, c'est très flatteur. Après, vraiment, il y avait rien de très calculé là-dedans. J'étais un peu un gars qui découvrait, qui hallucinait à la fois d'être à Paris, parce que j'étais de province, mais surtout de la campagne. Je venais d'un village de 2500 habitants et d'un coup, je me suis retrouvé ici. Donc, je me suis un peu laissé guider par cette passion. Et vraiment, je crois que la radio était vraiment le vecteur à tout ça et nous a tous emmenés. Là où on avait envie d'arriver. Alors surtout au départ, vous venez au Studec pour devenir réalisateur, rappelons-le, puis vous décidez par la suite de changer de spécialisation en vous orientant vers le monde de l'animation. Et puis j'ai appris aussi récemment que vous aviez travaillé pour le groupe TF1. C'est une expérience que vous retenez. Je crois que vous étiez voix off. Ouais, exactement. Je présentais une émission en voix off, une émission musicale le samedi soir assez tard. Mais c'est une voix. Et par la suite, vous devenez donc scénariste. Question toute simple, comment s'est passée finalement la transition entre le monde de la radio jusqu'aux portes du cinéma français? Est-ce que c'est le fruit du hasard, les rencontres? Comment ça s'est passé pour vous? Ouais, alors c'était vraiment... tout à l'heure, je parlais de Romain Lévy, qui est le réalisateur de Radio Star, qui avait été un élément déterminant pour allumer l'étincelle du cinéma. C'est une rencontre, Romain. C'est une rencontre qu'on a faite, Manu et moi, à la radio, parce qu'il était venu pendant une saison aider en tant qu'auteur. Romain travaillait avec Thierry Ardisson. Romain Lévy. Hein, Romain c'est... Lévy travaillait avec des auteurs en télé sur des grosses émissions. Il avait notamment bossé sur la première version du Burger Quiz, des émissions de Thierry Ardisson, etc. Il était venu une saison. Et on a tout de suite été assez potes, on s'entendait bien. Et puis Romain, il avait cette soif de cinéma, cette envie de cinéma, cette passion. Et il nous a emmenés tous les deux. C'est cette rencontre qui est devenue une amitié et un parcours professionnel. Est-ce qu'en toute sincérité, Mathieu Houlion, par moment, vous ne regrettez pas d'avoir quitté le monde de la radio avec une forme de nostalgie où vous dites parfois quelle déception, quel dommage de ne plus pouvoir lancer de bêtes, de jingles, de plus pouvoir produire un habillage, ou au contraire, vous êtes satisfait, enthousiaste du métier que vous entreprenez aujourd'hui? Alors, les deux, dans le sens où vraiment je suis heureux dans ce que je fais aujourd'hui et je crois vraiment que les codes changent et que la radio je l'écoute avec passion et je la vis aussi à travers mon épouse qui est sur la matinale de Nostalgie, qui Sandy. La matinale de Nostalgie, Sandy, et effectivement grâce à elle je vis encore des moments de radio, je suis encore les deux pieds dedans pratiquement et ça me permet de garder une petite attache parce que ça me manque quand j'y pense, ouais. Donc quelquefois, ça vous replonge un peu dans le bain, quoi. Ouais, exactement. Manu m'a permis de le faire aussi pendant une saison de Virgin Radio. J'ai travaillé avec lui à ses côtés sur l'émission de radio. Ouais, c'est des petits moments qui me permettent de mettre un petit peu des petites étincelles. Allez hop, c'est parti. Ouais, parce que la radio, on la quitte jamais vraiment, ça c'est sûr. On va parler à présent de tous vos films où vous avez travaillé, mais aussi collaboré sur la participation de l'écriture avec un certain nombre de réalisateurs français. Parmi tous ces films, j'en ai choisi un. Demain, tout commence avec Omar Sy, mais aussi avec Clémence Poésie, Gloria Colstom, Antoine Bertrand et Anna Cotis, qui sont donc les acteurs principaux de ce film. On se souvient évidemment de l'avant-première du film qui avait été au Grand Rex à Paris. C'était, je crois, le 28 novembre 2016. Wow. Un film qui a été réalisé par Hugo Gélin, accompagné de ses deux co-scénaristes, c'est-à-dire vous, Mathieu Ollion et Jean Iverlès. Qu'est-ce que vous gardez de ce tournage et qu'est-ce que vous avez appris concrètement ? Alors, c'est plein de belles choses dans le sens où on est venu, Hugo que je connaissais, Hugo Gélin, le réalisateur que je connaissais, quand il est venu me parler de ce projet qu'il avait, qui est une adaptation d'un film sud-américain qu'il voulait adapter pour Omar, justement, Omar Sy. C'était assez incroyable parce que ça. D'un coup, ça devenait ça me faisait rentrer dans une grosse production avec un premier rôle comme Omar Sy. Enfin, je veux dire, Omar Sy, c'est incroyable, quand même. Un monument du cinéma français, un acteur incroyable que je connaissais un petit peu par l'intermédiaire de Fred Testo il y a une vingtaine d'années quand on faisait le Studec. Et on se retrouvait longtemps après comme ça à écrire ce film pour lui. C'est franchement un tournage incroyable qui s'est passé en Angleterre. C'est la première fois que je tournais à l'étranger. Hugo avait la générosité en plus de m'inviter, ce qui n'est pas toujours le cas des scénaristes. Hugo Gélin, le réalisateur, me permettait de venir régulièrement. Ouais, ça fait partie de mes grands souvenirs de scénariste. Et ce qui est amusant surtout, c'est qu'on vous voit en tant que figurant DJ au tout début de ce film. Ouais, il a eu c'est une anecdote. Enfin, j'imagine que c'est un moment assez sympathique lorsque vous tournez cette séquence dans un cadre assez idyllique, le sud de la France. Quoi. Non, c'était super. Il m'a fait un super cadeau, Hugo, de me prêter ce rôle. Et puis voilà. Et puis le film a été un succès. Enfin, tout était super dans cette aventure. C'était un film très émouvant. Ah. Aussi. C'est l'un des rares films, je crois, qui m'a fait pleurer de ma vie entière. Ouais. Et franchement, j'ai adoré. Bon, c'est vrai. Cool. Alors, pour celles et ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de regarder ce film, je vous propose à présent un extrait de cette bande-annonce. On commente et on en parle juste après. Tu me reconnais pas, c'est ça ? Ah mais oui, Christine. Christine de Berlin. De Londres. De Londres, voilà, c'est ça, of course. C'est cool de te voir. Avec ton bébé. C'est ta fille. Christine ! T'as oublié tes affaires ! Christine ! Carte d'embarquement et passeport. Ma copine, elle a oublié sa fille. Carte d'embarquement et passeport. Mais donc tu connais qu'une phrase, toi ? J'ai un bébé sur les bras, je trouve pas sa mère, j'ai tout perdu, mon portefeuille, j'ai plus de couches et il pleut. Papa ! Papa ! Maman, elle m'a envoyé un mail ! T'arrêtes d'envoyer des faux mails et tu dis la vérité à ta fille. Un matin, elle va se rendre compte que tu lui mens depuis des années et ça, crois-moi, ça va réellement la rendre malheureuse. Maman! Ça a duré 8 ans. Tu sais ce que c'est 8 ans? C'est une éternité. Faut qu'elle rentre à la maison et que tout soit comme avant. Ça peut pas être exactement comme avant. Un film tourné vers l'humour, émouvant et qui, je pense, nous parle tous d'une certaine façon. Parce que, bon, à titre personnel, je dois dire que ce film m'a beaucoup ému lorsque je l'ai vu pour la première fois. Avec l'histoire de cet homme Samuel qui aime profiter de la vie, qui aime les femmes, justement, les conquêtes. Et qui, du jour au lendemain, est confronté à une situation inédite, ce qui fait qu'il se retrouve avec un enfant. Il n'est pas du tout préparé. On a presque l'impression, finalement, que ce film est une leçon d'humilité pour nous tous, de combativité, de ne jamais perdre espoir, finalement, et de se dire que rien n'est jamais vraiment acquis dans une vie, surtout lorsqu'on est confronté à la maladie. C'est le cas notamment de cette petite Gloria. Que peut-on retenir de cette belle leçon de vie, Mathieu Ollion ? Franchement, vous l'avez très bien dit, c'est le combat amené et le combat qui n'est jamais perdu, je pense. Ça a été, en fait, c'était le choix aussi de rester dans le côté léger, drôle, grâce au personnage d'Omar qui est incroyable dans ce film, qui prend tout avec humour, avec comédie, pour faire rêver sa fille justement jusqu'à la fin du film. Et moi, je venais de la comédie, j'avais écrit que des que des comédies vraiment qui étaient juste uniquement là pour faire rire. Et Hugo, j'avais quelques réserves quand Hugo Gélin m'avait proposé le projet. J'avais dit est-ce que vraiment je vais savoir avoir cette émotion là et pouvoir la gérer. Et ça m'inquiétait beaucoup. Hugo m'a beaucoup rassuré parce qu'il m'a dit moi je m'occupe de ça, ne t'inquiète pas. Et on va faire un super film ensemble qui aura à la fois l'émotion et à la fois les rires. Et je crois qu'il a réussi parce que c'est souvent qu'on me répète de très bons mots sur ce film. C'est l'un des films qui vous a le plus ému, vous diriez, par rapport à tout ce que vous avez écrit. L'histoire, alors c'est pas le film en soi parce que bon, je l'ai écrit, que c'est difficile d'avoir le recul nécessaire. Je sais en tout cas que dans la version originale, quand j'ai vu la version originale sud-américaine, j'ai évidemment tout de suite senti qu'il pouvait y avoir une émotion incroyable. En adaptant ce film, ça c'est certain. Oui, moi j'avais une question. Alors, elle va peut-être paraître ridicule, mais je me demandais la différence dans la manière d'écrire entre un écrivain, un romancier qui va écrire pour un livre et un scénariste qui va écrire plutôt pour le cinéma. Est-ce qu'il y a une différence dans l'écriture elle-même ou c'est juste le support qui change ? Non, il y a une différence dans l'écriture. Après, je peux pas trop m'exprimer sur le sujet des romans parce que j'en ai jamais écrit et que j'ai pas vraiment les codes. En tout cas, chaque style d'écriture et chaque a ses codes et ses façons de procéder. Respecter les codes d'un film, c'est totalement différent que de le faire pour un roman. Les codes, donc le cahier des charges qui vous est donné oui, au début, et puis la construction d'un scénario implique quand même inconsciemment il doit se passer un événement au bout de 15 minutes, il doit se passer, ce sont vraiment des codes scénaristiques qui ne D'accord. sont propres que au développement des longs métrages. D'accord. En trois actes, avec un climax à la fin, avec toutes ces choses-là qui sont différentes pour des romans. Ça existe aussi pour les romans, mais ce sont d'autres codes. Et pourquoi vous vous êtes plus orienté vers la comédie, les films drôles ? De manière assez naturelle. Ouais, on parlait tout à l'heure de mes parents qui me permettaient de voir des films au cinéma. J'allais beaucoup voir les comédies avec eux à l'époque. C'était vraiment le Splendide, toute cette génération là et puis voilà, j'aimais essayer de faire rire dans ce que j'écrivais, donc c'était naturel. Est-ce qu'on peut dire que vous avez été bercé un peu avec des films type humoristique, comédie, etc.? Ouais, c'est vraiment ça. Je disais le Splendide, mais Papy fait de la résistance. Tous ces, il y a vraiment des films de ces années-là qui sont fin d'année 80 que je me souviens avoir vu en famille avec mes parents. Qui aujourd'hui me nourrissent encore. Dernière question que j'aimerais vous poser avant de clôturer cette interview. Est-ce que vous avez des projets en cours sur l'écriture de nouveaux scénarios, que ce soit pour des films à la télévision française ou même à la rigueur sur des plateformes de streaming avec Netflix? Est-ce que c'est d'actualité au moment où on se parle? Et si on vous le propose, est-ce que vous accepteriez? Ouais, alors l'actualité est parfaite dans le sens où dans 15 jours maintenant, le 12 avril, sort la suite de 10 jours sans maman, qui va s'appeler 10 jours encore sans maman. Avec Franck Dubosc. Avec Franck Dubosc et Horatica, et toute la bande du premier d'ailleurs, où Franck se retrouve au ski, le personnage de Franck se retrouve au ski avec ses enfants, et bon voilà, c'est un petit délire qui se passe. Le film sort le 12 avril, et c'est un film que j'ai... autant le premier était une adaptation d'un film aussi sud-américain, autant le 2, c'est vraiment... le fruit de mon inspiration de vacances au ski avec mes enfants. Et voilà, il sort le 12 avril. Et en parallèle, ouais, je développe une comédie pour Netflix qui est pour l'instant au tout début. Donc je ne peux pas dire grand-chose, hormis que je suis dessus. Enfin, pas en ce moment, mais parce que je suis avec vous, mais je suis dessus. Bon, bah c'est bon à savoir. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour cet échange. Merci pour cette interview et d'avoir répondu à mes questions. De rien. Et c'est vrai que les enfants sont source d'inspiration. Ah, oui. Aussi. C'est vraiment tout le temps. Des fois, j'ai envie de dire, bon, les gars, je vais vous enregistrer, puis je vais recopier les dialogues. C'est l'heure de notre rendez-vous du canapé avec Lauriane. Alors, moi, mon canapé est intense et rebelle. C'est quoi la différence entre un cappuccino et le chocotino? Le chocotino, c'est un tiers. Non, c'est pas un tiers. J'ai plus la recette exacte de la fin. Je sais qu'on l'a enregistré tellement de fois et on a gardé. C'est un cappuccino inversé. Exactement. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a le chocolat, voilà. Le lait, voilà. Et un peu de poudre de café. Voilà. Et du coup, vous préférez quoi, vous?

un portable, sachant qu'il n'y a aucun réseau, ou un livre d'histoire? Un livre d'histoire, alors attends, je suis en train de me transposer. J'emmènerai un livre d'histoire du présent pour aller dans le passé. Ouais, c'est ça. Ça pourrait être intéressant, ça. Ça pourrait être intéressant. Ah, ça pourrait être intéressant. Effectivement. Ah, ouais. Ça pourrait être intéressant. Ouais, je crois que je choisirais plutôt ça. Vous êtes dans votre jardin, comme dans Chérie, j'ai rétréci les gosses. Je suis sûre que vous connaissez. Ah oui, oui. Bien tranquillement installé entre le barbecue, le transat, le potager, et là, soudain, comme par magie, ou comme par malédiction, hein, c'est comme on veut, vous rétrécissez au point que les coccinelles sont plus grosses que vous. Vous vous débattez entre les herbes folles pour retrouver votre chemin. Quel objet voudriez-vous garder? Une truelle ou des bottes de pluie? Bottes de pluie, c'est pas mal. Ça peut être utile s'il y a le tuyau d'arrosage qui se met en route. Ouais, si ça fait comme dans le film, il vaut mieux avoir des bottes de pluie, oui. Troisième extrait. C'est quoi ça? Bah, je sais pas, vous connaissez pas, j'en suis sûre. Personne ne connaît ici. Ça me dit quelque chose, ouais. Bon, c'est la NASA qui vous envoie dans l'espace. Votre fusée décolle et vous atterrissez sur une planète complètement inconnue. Vous enfilez votre petite combinaison d'astronaute et puis vous allez vous balader pour explorer cette planète. Bah oui, quand même, on n'a pas fait ce voyage pour rien. Finalement, vous rencontrez les fameux petits hommes verts. Vous leur proposez des petits écoliers de lu ou une fleur. Les écoliers de lu. Ça va devenir tout de suite mes potes. Si je leur file des écoliers de lu. C'est pas que pour les enfants. Non, d'accord. Voilà, exactement. Merci Mathieu d'avoir joué le jeu. De retour avec notre journaliste Tom Villeneuve pour nous parler à présent d'un film qui sortira dans 2 semaines. Il s'agit de 10 jours encore sans maman. Alors vous en avez parlé tout à l'heure, ouais. Du coup Mathieu, donc dans une quinzaine de jours, donc sortira le deuxième volet du film 10 jours encore sans maman dans le salle de cinéma en France. Après la sortie donc du premier volet, sorti en février 2020, 10 jours sans maman, juste avant la pandémie de coronavirus, toujours réalisé par le réalisateur français Ludovic Bernard. On y retrouve notamment l'acteur Franck Dubos, mais aussi Horatica, Violette Guillon ou encore Swan Joulin. Est-ce que vous avez une anecdote, une histoire insolite à nous raconter de ce tournage, que ce soit même pour le premier ou deuxième volet? Alors le premier, je m'en souviens encore plus parce que j'y ai participé. C'est-à-dire que Ludovic Bernard m'a fait un petit cadeau en me disant bah, comme l'avait fait Hugo Gélin dans Demain tout commence, il m'a dit il y a un animateur à un moment si tu veux le faire c'est cool. Je dis bah pourquoi pas. Il m'a dit mais j'aimerais bien te grimer un peu. Et vous dans 10 jours c'est un moment un, il y a un animateur qui a une énorme moustache. Tout le monde croit que c'est une moustache qui a été collée, mais en fait non, il voulait quelque chose de très naturel. C'est-à-dire, je me suis laissé pousser la moustache pendant très longtemps avant le tournage, et je lui faisais régulièrement des petites photos. Franchement, un mois et demi, facile. Et je lui faisais des petites photos régulièrement de l'évolution de ma moustache pour lui dire est-ce que ça te va. Donc je me suis trimballé, mes enfants hallucinaient, j'avais vraiment une moustache. On aurait vraiment. Ça faisait un peu comme Hagrid dans Harry Potter ou peut-être pas quand même. Alors non, c'était vraiment moustache, donc c'était plus Narcos. C'était vraiment la moustache bien touffue là, tu vois. Et effectivement, je me baladais comme ça pendant longtemps. Je lui faisais régulièrement des photos. Je lui envoyais. Donc, dans nos échanges, c'était un peu bizarre parce que j'ai envoyé des photos un peu trop de ma moustache, qu'il a fini par valider. Et je suis comme ça dans le film. Et c'était une bonne anecdote du premier volet. L'ambiance de ce tournage, j'imagine, reste un moment assez incroyable. Surtout, vous êtes entouré d'enfants. Ouais. Vous avez une anecdote aussi avec les enfants? Franchement, les enfants, les enfants sont hyper. Ils ont été tous super. On peut pas. C'est en plus ravi de continuer l'aventure, de se retrouver sur le 2, c'était génial. Franck Dubosc et Horatica, on a l'impression que c'est leurs parents, quoi. Enfin, ils se connaissent maintenant par cœur. C'était super. Oui, moi je voulais savoir si c'est plus facile parfois de tourner avec des enfants ou de tourner avec des adultes. Souvent on nous dit dans les préparations des films au cinéma, on nous dit il faut éviter les animaux, les bords de mer parce qu'il y a du vent, etc. et les enfants sur le tournage parce que c'est ingérable et que effectivement c'est ce qui explose les timings de journée de tournage, parce que si un enfant il a pas envie de tourner, eh ben il tourne pas. S'il a pas envie de rire au moment où il doit rire, eh ben il faut attendre qu'il ait envie de rire. Un adulte, c'est son métier, c'est un comédien, il sait s'accorder quoi. Ça va, il va arriver à composer un petit peu. Les enfants, c'est pas la même chose. En moyenne, en règle générale, ça dure combien de temps un tournage là pour celui-ci? Ça deux mois, dix semaines, je crois exactement. En règle générale, les tournages c'est 8 semaines, on va dire en moyenne. Et si les audiences pour ce deuxième opus sont au rendez-vous, est-ce qu'une suite est prévue pour un troisième ou ce n'est pas à l'ordre du jour? C'est ni à l'ordre du jour, ni pas prévu, ni c'est vraiment faisons confiance au deuxième et je pense effectivement que si les choses se passent bien, pourquoi pas, ça sera en tout cas dans les discussions. Maintenant, faut avant d'en avoir la volonté, il faut aussi avoir la bonne idée. C'est pas faire un 3 pour faire un 3, faut faire un 3 parce qu'on aura une bonne idée d'histoire. Et 10 jours sans maman, vous l'aviez dit, c'était un peu inspiré d'un film. Ouais. Mais c'est aussi par rapport à votre propre expérience de parent aussi que... Oui, bien sûr. Bien sûr. Moi, c'est quand on m'a proposé le projet, là, vraiment, c'était une commande de producteurs qui avaient les droits de ce film sud-américain et qui ont dit on aimerait bien l'adapter en France. C'est un père qui se retrouve tout seul avec ses 4 enfants. Bon, voilà, moi, j'en ai 3. Ça m'a tout de suite parlé quand j'ai vu ça. J'ai dit franchement j'étais ravi de qu'on me confie l'adaptation de ce film. Je vous confirme, moi aussi j'ai 3 enfants et ça m'a immédiatement parlé en tant que maman. Et puis aussi je pense que c'est bien aussi finalement ça replace aussi le papa à sa place de père, parce que finalement on compte aussi bien sûr, beaucoup sur la maman du exactement, chacun retrouve sa place. C'était à la fin, c'était le but. Ouais, exactement. Ouais. Donc voilà, ça m'a beaucoup marqué. Merci. Clémentine, tu as décidé de jouer sur les cordes sensibles aujourd'hui. Ah oui, c'est ça. On se connaît un peu maintenant. Mais là, je suis celle qui va vous faire parler et vous allez comprendre pourquoi. T'es sa psy. Non mais je suis pas diplômée, c'est pas déclaré. D'accord. Mais ça passe. Et si je vous mets cet extrait, vous allez savoir pourquoi je vais vous faire parler. Bon, on en parle quand même un peu depuis tout à l'heure. Je pense que vous avez deviné. Ça va, c'est le film Radio Star. Oh, oui, c'est ça, Radio Star, sorti vers 2012. Exactement. Bonjour, de retour dans le Breakfast, émission qui vous tire la tête du cul. Tu la pèses, hein, tu la times, mais classe. Peux-tu me faire une voix plus claire? Non, tu veux dire plus jeune? Je t'emmerde. Est-ce que c'est plus clair, là? J'ai l'impression qu'on a un intrus dans le studio. On l'assoit, on lui met un casque et il parle dans le micro. Il va se présenter. Comment tu t'appelles? On m'avait juste dit de passer comme ça. Juste dit de passer comme ça, c'est quand même un nom un peu pourri. On est passé numéro 2. Vous partez en tournée tout l'été. Chez les gens? Vous allez aller dans toutes les villes de France. Oh, il y a quelque chose quand même qui me fait rire. Ouais. C'est que j'ai été en stage à l'époque, quand j'étais au lycée, dans une radio qui s'appelle vraiment Radio Star. Ouais, c'est à Marseille? Non, pas du tout. Ah bon, c'est pas celui de Marseille, ouais, c'est celui de Montbéliard, d'accord, en Franche-Comté. Okay. Et j'avais envie de vous parler de ça parce que ça m'a rappelé cool. Un peu mes années de stage là-bas. Ouais. Et je voulais savoir, avant que le film soit tourné, c'était quoi le scénario de base? C'est-à-dire que... Est-ce que c'était celui qui était prévu donc à la sortie du film? Ouais. Ou est-ce que c'était un autre scénario et ils ont dû faire des modifications ou... Non. Franchement, là, on a eu la chance d'avoir un producteur qui était qui a vraiment cru en notre projet, qu'on a amené avec Romain Lévy, le réalisateur, et qui nous a donné carte blanche. Je ne sais pas s'il a eu raison, mais en tout cas, toutes les scènes dont on nous parle, et notamment la scène d'Alice Belaïdi autour de la piscine qui s'énerve et tout ça, c'est des choses que d'autres producteurs, je pense, nous auraient demandé de calmer, de couper, de changer, de voilà. Et lui, il a dit, c'est comme ça. C'est lui, il avait la vision de, il y a une pépite, c'est cool. Et pour le coup, il a eu raison puisque les choses dont on me parle le plus sont toutes ces scènes-là qui auraient pu être coupées. C'est un film qui est quand même culte. Et est-ce que vous en gardez des bons souvenirs? Et c'est quoi le moment qui vous a le plus marqué? Alors, j'en garde un excellent souvenir. C'est vraiment l'un de mes, enfin presque mon premier film, on va dire, en tant que scénariste, et en plus une histoire qui est très inspirée de ce qu'on vivait avec Manu à l'époque, et voilà, qui a été c'est ce qui m'a permis de faire la transition aussi entre la radio et le cinéma. Souvenir vraiment. Alors je vais être moins dans la blague, mais pas juste plus dans l'émotion. C'est que mon premier fils est né pendant le tournage de Radio Star, et c'était hyper émouvant parce que j'avais le tournage d'un côté, j'avais la maternité de l'autre. Je sortais de tournage, j'allais à la maternité retrouver ma femme. Mon fils était là. On m'a même fait le cadeau de mettre sa photo de l'échographie quand Pascal de Molon, le personnage de Pascal de Molon, regarde une échographie et découvre qu'il est grand. Père, et ben c'est la photo de mon fils en échographie, hein, pour le coup. Donc on le reconnaît pas trop, mais voilà. Donc c'est vraiment un truc, ouais, c'est une forte émotion pour moi, et c'est encore beaucoup de souvenirs malgré le fait que ça fasse 10 ans maintenant. Et est-ce que vous pensez qu'il y aura une suite, par exemple sur la relève de la radio, qui veut redonner goût à ce média, voire sur l'avenir de la radio tout simplement? Bah, ça serait génial, ouais, j'adorerais, mais en ce qui me concerne, c'est pas dans les tuyaux pour l'instant, mais ouais, ça serait super. Mathieu Lyon, vous êtes notre invité. Les Buggles débarquent avec une chanson qu'on connaît tous ici, Video Kill the Radio Star, sortie en 1979. Vous êtes sur Studek Web, bel après-midi. La semaine des invités sur Studek Web. Studek Web, on s'en eut, on se détend. Nous sommes en compagnie de notre invité Mathieu Lyon. On a révisé votre parcours de vos débuts en radio jusqu'à maintenant où vous êtes devenu scénariste. On va continuer d'évoquer des souvenirs et puis Lauriane, avec tout ce que vous nous avez appris sur vous, tout ce que vous nous aviez confié, on a retenu. Et Lauriane, elle a vraiment tout préparé. Elle a refait un portrait plus ou moins décalé de vous. Et il faudra quand même nous expliquer cette histoire d'anecdote avec l'iguane. Sache que je l'ai noté. Il y a zéro anecdote avec l'iguane. C'était un piège. Alors, Mathieu Young, vous êtes scénariste et ancien animateur radio. La radio était votre passion, vous en rêviez. Le cinéma, vous ne l'imaginiez pas comme métier. Et pourtant, aujourd'hui, c'est le vôtre. La radio vous a emmené là où vous vouliez, notamment avec la rencontre de Romain Lévy, qui vous a apporté une nouvelle amitié et un parcours professionnel. Vous adorez dire que les cycles de la vie changent. Vous êtes DJ le temps d'un film. D'ailleurs, vous vous êtes même laissé pousser la moustache pour être un DJ stylé. Et si vous avez le choix entre un cappuccino et un chocotino, vous prendrez le cappuccino. Radio Star, c'est un film d'émotion, une belle aventure, notamment parce que c'est votre premier film qui vous tient à cœur. Mm-hmm. Et en plus, parce que votre premier fils est né pendant le tournage. Bravo. Voilà. Voilà, bien retenu. C'est pas mal. Ouais. J'ai une dernière question. Oui. C'est quoi la journée type d'un scénariste? La journée type d'un scénariste, père de famille aussi. Ouais, la journée type d'un scénariste de base, ça peut être on se lève à midi, on bosse jusqu'à 4h du mat, etc. C'était ma vie d'avant, où effectivement il y avait un truc de j'aimais bien bosser le soir et jusqu'à très très tard dans la nuit parce que je sais pas, quand la vie était calme, c'était plus inspirant. Là maintenant, c'est une vie totalement normale et rythmée sur un réveil, réveil petit-déj enfant, déposage à l'école. Et puis voilà, on essaie de se mettre au boulot quand même parce que il faut être inspiré et c'est assez classique, mais c'est une journée normale. J'ai rien de foufou à vous raconter. C'est oui. C'est rythmé en gros sur la vie de famille et la vie de scénariste. Ouais, voilà, exactement. C'est toute une organisation. Voilà, c'est pour ça qu'il faut que j'ai continué d'écrire des films avec des papas et des enfants. Est-ce qu'il y a un acteur particulier que vous aimeriez avec qui vous aimeriez travailler? Avec qui j'aimerais travailler? Il y en a plein parce que j'ai encore plein d'acteurs. Le premier qui vous passe en tête? Ouais, premier qui passe en tête, je dirais. J'ai eu la chance de travailler avec Omar Sy. Maintenant, j'aimerais beaucoup travailler avec Jean Dujardin, qui sont pour moi deux grandes stars françaises et qui sont en comédie en plus et dans l'émotion très très fort. Et qu'est-ce qui vous inspire en tant que scénariste? Notamment si vous voulez créer un film pour Jean Dujardin, qu'est-ce qui vous inspirait par rapport à lui? Waouh! Vous voulez le mettre où? Très bonne question. Ouais. Comédie, où est-ce que je veux mettre Jean Dujardin? Tiens, peut-être. Je trouve qu'il est incroyable. Il est incroyable en comédie. Bon, c'est un grand acteur, mais je veux dire, il m'a toujours fait énormément rire, Jean Dujardin. Je veux dire, OSS 117, c'est incroyable et je crois que arriver à essayer de faire un film dans le style OSS 117 réalisé par Michel Zanavicius, en plus les premiers que je respecte énormément, si j'arrivais à ne serait-ce qu'avoir un centième de ce talent sur un film, je serais heureux. C'est quoi le secret pour avoir une telle longévité en tant que scénariste dans le monde du cinéma? Quel conseil vous donneriez à un jeune qui souhaite se lancer dans cet univers-là, Mathieu Lyon? Vraiment, c'est les conseils que je me donne à moi-même aussi, que je me donnerai à moi-même aussi aujourd'hui, c'est que il faut savoir s'adapter, savoir revoir les codes, ne pas être ancré dans ses propres, être curieux, ne pas vouloir absolument appliquer des choses qui étaient peut-être des choses qui fonctionnaient très bien il y a 10 ans, mais tout évolue vite, donc je pense que pour durer, il faut être curieux, savoir s'adapter et surtout ne pas être borné. Oui, ne pas rester dans une case. Focus ouvert. Ouvert aux propositions de tout maintenant peut être intéressant. Voilà. Mais c'est vrai, vous avez raison. On note les conseils. On note les conseils. Merci à vous, Mathieu Houillon, d'avoir été notre invité pour, et puis aussi pour ce moment de partage et humain avec vous. Merci à toute l'équipe de Silence, ça tourne action. Merci de votre fidélité et de nous avoir suivis sur Studec Web. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Studec Soir pour votre journal d'actualité. Un bouquet de fleurs pour terminer cette heure riche en émotions avec Miley Cyrus et son hymne à l'amour de soi, Flowers. Excellente après-midi sur Studec Web.